You are saying you can. I can see your face. The other night I couldn't. You say you can. See your face. You can see my face. Tu peux voir mon visage. Before I couldn't. Bien avant je ne pouvais pas. I couldn't see your face. Avant je ne pouvais pas voir ton visage. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! She said. Elle a dit. I can see your face. Je peux voir ton visage. The other night. L'autre nuit. And all these other days. Et les autres jours passés, I could not see your face. Je pouvais pas voir ton visage. You see, in the dream, tu vois dans le rêve, the Lord brought her in the dream. Le Seigneur l'a amené dans le rêve. And I could see she was talking to me about seeing what she's the one I was talking about here. Et je voyais qu'elle me parlait de voir. Our God is good. Notre Dieu est bon. You can now see my face. Tu peux maintenant voir mon visage. Maintenant, je peux voir le visage de tout le monde. You can see everybody. Everybody's face, I can see. Le visage de tout le monde, je peux voir maintenant. Can you see the face of the little child? Est-ce que tu peux voir le visage de l'enfant? Oui. Ah, Jéhovah est